À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, Kim Chil-sung, premier vice-président de l'Association internationale des Coréens pour la réunification et président de l'Association des Coréens en Russie pour la réunification, a publié un écrit en l'honneur de ses immortels exploits, Soleil éternel et brillante vie.